OK, numéro 170, de vaincre l'adversité. Écoutez bien, moi vous expliquer que de l'astral, c'est de la polarité. Ça fait longtemps que vous le savez. Que de l'esprit, c'est de la centricité. Il n'y a pas d'adversité dans la centricité parce qu'il n'y a pas de polarité. Donc, toute polarité sous-tend des mécanismes astraux. Et donc, astrologique. Donc, l'astrologie, c'est le code juridique de l'astral. Une personne qui étudie l'astrologie étudie les lois de l'astral. Et dans les lois de l'astral, vous avez toujours des oppositions, tout le temps. Les maisons sont en opposition une face à l'autre. La maison 1 est face à la 7. La maison 10 est face à la 4. La maison 8 est face à la 2. Et ça représente tout le temps une opposition dans la logique des choses. Exemple, l'individualité, c'est la maison 1, donc c'est votre ascendant. Ce qui est opposé à ça, c'est le couple et les associations, les relations. Donc, le couple est une opposition à l'individualité. Donc, j'ai tout le temps dit, dans le couple, vous avez une opposition, mais c'est aussi une complémentarité quand c'est retourné à un aspect positif. OK? Mais fondamentalement, un homme et une femme, c'est des incompatibles complémentaires. Comprenez le point? Donc, on est créé complémentaire, mais on est créé pour être adversaire. Donc, tout ce qui est astral, y compris la création de l'homme et de la femme, qui sont nécessaires à la reproduction, sont basés sur une adversité et un travail d'intelligence, donc de votre conscience, donc de l'esprit. L'esprit, le travail de l'esprit, c'est de rendre toute forme d'adversité à la base, donc une adversité qui vient de l'homme et de la femme. Bon, ça c'est vraiment la base, là, la création. L'esprit travaille à rendre ça intelligent. Travaille à devenir. Il faut s'entendre, ça ne l'est pas à la naissance. À la base, c'est adversaire. Toute forme d'adversité est, entre guillemets, normale, prévisible et programmée. Vous étudiez l'astrologie, vous allez étudier l'adversité et le travail de l'intelligence, donc de l'esprit, c'est d'emmener cette adversité-là natale à devenir complémentaire. C'est un en devenir, il faut comprendre. Donc, vaincre l'adversité, c'est rendre intelligent des mécanismes d'âme pour que l'intelligence ait le dessus en fin de vie sur tout ce qui est opposé comme tel. Et je vous répète, les gens qui étudient l'astrologie étudient les codes de l'âme, les codes de l'astralité. Et quand ils comprennent cette adversité-là, ils vont comprendre automatiquement qu'est-ce qui est à vaincre dans leur vie par cause de la nature de la programmation, puis aussi qu'est-ce qui crée chez les autres une adversité à leur égard. Vous avez, dans votre programmation, des gens qui sont venus au monde pour vous écœurer. OK? Que ce soit des parents, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit n'importe quoi qui est extérieur ou social, il y a des gens qui sont venus au monde pour vous créer de l'adversité, pour vous rendre la vie difficile. C'est impossible que ça soit autrement. Sinon, vous ne seriez pas né. Donc, votre naissance, à la base, sous-tend une adversité. Vous allez dire, hey, mais non, t'es fataliste. Non, je suis réaliste. Qu'est-ce que la différence? Vaincre l'adversité, c'est de comprendre, premièrement, qu'une personne est là pour te faire vivre de l'adversité. Et de rendre ça une relation où tu perçois un ennemi, puis d'emmener ça au fait que ce soit pas nécessairement un ennemi, mais que ce soit quelque chose qui te fait avancer dans la vie, c'est pas évident. Je vous jure que j'ai travaillé fort dans ma vie pour pouvoir assimiler ça. Toute forme d'adversité sous-tend une forme d'intelligence. Et ça, c'est pas évident. C'est ça qui est le gros problème. Parce qu'on va tout le temps dire, ah ben moralement, lui, il est négatif. Puis moi, je suis positif. Et puis la personne, on dirait qu'elle cherche juste une chose à me détruire. Et oui, elle cherche à te détruire. Et puis de réussir à survivre à quelqu'un ou à un environnement qui cherche à te détruire, il faut beaucoup d'intelligence. Et beaucoup d'intelligence, ça sous-tend beaucoup d'esprit qui te pénètre. L'âme te pénètre par l'ADN. Ton ADN sous-tend une programmation astrale. Et ton esprit, c'est quelque chose qui s'infuse dans ton être progressivement au fur et à mesure que tu réussis à résoudre les problèmes qui te sont soumis parce que moi j'appelle des tests. Mais que pour d'autres, qui sont plutôt morales, ils vont voir ça comme des tests, des obstacles. Ils vont voir ça comme telle personne me crée des obstacles. J'avais mon ami qui me disait à l'école, là, c'est des gens, ils me parlent dans le dos, fais ci, fais ça. Mais c'est des obstacles, mais c'est aussi un test à sa programmation de scorpion qui dramatise. Fait que tu prends pas ça comme un drame, tu mets de l'intelligence dans l'adversité. Et puis, au bout de X temps, ou ça peut, des fois, c'est pas long, tu élimines le drame, donc tu élimines un aspect de ta programmation qui dramatise sur le comportement de ton environnement de travail. Tu t'exclus du milieu, tu t'en vas ailleurs, puis l'adversité continue. C'est comme du mal qui te lâche pas tant que tu n'as pas intégré ou tant que tu n'as pas mis de l'intelligence vis-à-vis du mal qui t'attaque incessamment. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire que l'astral, peu importe où tu pourrais vouloir comme échapper à la mécanique d'âme, par les événements, évidemment, et des fois c'est juste des événements, qui tu vas essayer d'échapper, puis ça te poursuit, ça te lâche pas. Savez-vous qu'est-ce qui est le plus dur avec des chats qui dorment avec vous? C'est de pas se faire crever les yeux pendant la nuit. Parce qu'un chat, ça s'étire. Le nombre de fois que je me suis tassé le visage en me réveillant, puis que, paf, j'avais une griffe là, qui me passait le long de la joue, une fraction de seconde avant, je l'avais dans l'œil. J'ai échappé à ça des centaines de fois. Et puis, j'étais aveugle à cause du diabète. J'échappe pas à l'expérience. Ce qui veut dire que même si j'ai réussi intuitivement, par sensibilité, à tout le temps avoir la tête à la bonne place pour pas qu'un chat me crève les yeux, j'ai quand même un problème de vision qui est basé sur un problème de santé et non pas sur un problème avec l'animal comme tel. Et puis j'en ai des chats, OK? Puis un petit chat, là, ça adore se coller dans ton cou puis proche de ton visage. Moi, je me lève le matin, j'ai au moins 4-5 chats autour de la tête. Ok, c'est le fun, c'est minou. Puis ben, quand Bella me disait gros minou, hey gros minou, ben oui, c'est gros deux minou. En tout cas, tout ça pour dire qu'on n'échappe pas à une programmation. On y fait face. On peut pas vaincre l'adversité en fuyant, ça je peux vous le dire. C'est juste en y faisant face. Plus vous faites face à l'adversité, plus vous allez la voir de proche. Vous allez avoir l'adversité éventuellement à travers des événements plutôt qu'à travers des individus. Parce qu'au départ, on pense que c'est des individus qui nous créent l'adversité. Quand vous avez froid l'hiver, quand il y a des variations de température de quasiment 15 à 20 degrés dans une journée, là, il y a de l'adversité. Parce que si tu habilles un petit chandail un après-midi, tu arrives au soir, il faut que tu ailles un parka sur le dos. Des bottes de Anouk, là, comment que ça s'appelle? Des bottes canuques. En tout cas, faut que tu aies quelque chose qui te garde au chaud, puis tu n'avais pas prévu. À un moment donné, il faut tout prévoir, parce que tout ce qui est mal peut arriver. Tout. Faut que tu t'organises. Puis vaincre l'adversité, on va le dire bien simple, c'est une affaire de cohérence. Moi, face à à la cécité ou à face à n'importe quoi qui se présente dans ma vie, je me dis, si je me garde cohérent, j'ai des chances. Je dis pas que je peux vaincre, mais je me dis, j'ai des chances, parce que l'intelligence va s'infuser là-dedans. L'esprit dans l'âme va t'atteindre par la cohérence. Plus vous réussissez à garder votre cohérence, plus vous êtes capable de faire face au mal. Le mal est inévitable, le bien aussi, ça va de soi, mais le bien se présente après le mal. Il se présente jamais avant. Un enfant vient au monde, il est totalement vulnérable. Il faut qu'il grandisse toute sa vie à développer de l'intelligence. Il se fie sur ses parents en grande partie, très dépendant de son environnement. Puis, il apprend un langage pour se faire comprendre. Il apprend comment ça marche dans la société, les règles de vie de son environnement pour se garder cohérent, s'adapter. Très important, le concept de l'adaptation pour garder sa cohérence. Et puis, l'imagerie qui se fait de la vie en termes de bien et de mal est tout le temps fonction de son environnement. C'est son environnement qui lui dicte les lignes de conduite du bien et du mal, et puis ça varie d'une place à l'autre. Moi, j'ai eu à parler avec des gars de la mafia, j'ai eu à parler avec des évêques, des sœurs, des ça. C'est des règles de vie complètement différentes. Les sœurs, les prêtres, les gens spirituels veulent aider les autres. Les gars de la mafia, eux autres, ils veulent consommer. Un gars m'avait dit, « Dis-moi, le monde comme toi, c'est des boîtes à lunch. T'as un char, pour toi, il t'a coûté 15 000. Pour moi, il ne coûte rien. Il faut juste que je trouve un moyen de ne pas me faire pogner, c'est tout. Puis je te le vole. Puis à toi, il est à moi. » Ah ouais, il est à toi. Si j'essaie de défendre mon char pour le récupérer, il dit, « Je vais tout faire pour te l'enlever parce qu'il est à moi. » Ah ouais, capotant. C'est pas la même logique. Ça fonctionne pas comme un gars de la gaffe. Ça fonctionne pas comme quelqu'un qui est moral. Il vit pas avec la même compréhension de son enfance, de son éducation. Tu parles avec des gars là qui sont des bandits. Tu te souviens de Pauline? Pauline Tremblay. Elle m'avait envoyé 7-8 gars du centre du Vieux-Montréal. J'avais fait un séminaire avec cette gang de bandits là. Puis je parlais avec eux autres de leur passé, là. C'est des gens, là, que les parents les battaient. Tu sais, une vie où il y a beaucoup, beaucoup de violence. Puis les gens qui subissent beaucoup, beaucoup de violence dans les événements de leur enfance, là, ça fait des bandits. Ça construit des bandits. Tu checkes les cartes du ciel, là, puis c'est marqué. Ils sont nés pour être des bandits. Mais tu peux pas les en vouloir des bandits. Mais tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est de trouver un milieu qui leur ressemble. Et ils vivent avec les règles du milieu. Ils peuvent pas se truster. Ils se mentent. C'est du mensonge continuel. Et puis, pour être à faire un dessin, que d'aller faire parler les entités là-dessus, là, j'y allais à moulot, hein, parce que c'était pas trop, trop legit. Je me faisais engueuler un petit poisson pour lui. « Qu'est-ce que tu veux, mon gros tabarnak? » C'était très, très brutal, là, les approches à ça. Tandis que tu rencontres quelqu'un qui va à messe tous les semaines, là, c'est doux, tu sais, ça vient du haut astral, puis tu es une personne bien évoluée. Ça essaie de t'acheter par des compliments, puis une appréciation. On est près de la lumière et toi, tu es déjà dedans. Eh bien, oui, toi, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, ça pour vous dire que c'est deux univers complètement différents, le bas astral puis le haut astral. Puis ils se connaissent pas trop. Le haut astral, quand tu lui parles du bas astral, ah, c'est trop noir, ça, on va pas là, nous autres. Puis dans le bas astral, quand ça parle du haut astral, on va te les pogner, tu sais, ça. Il n'y a rien pour le bas astral de plus extraordinaire que de violer une vierge, tu sais. Et que c'est comme, oups, là, on n'est pas dans le même monde, mais pas pantoute, là, tu sais. Faire souffrir, il y a un plaisir là-dedans. C'est du sadisme, c'est du vrai mal, là. Du mal. Fait que tu vas prendre quelqu'un qui est très, très vulnérable, un enfant, là, disons un petit enfant, puis tu le laisses là, puis il y a quelque chose qui va vouloir le bouffer, qui va vouloir le détruire. Un être humain va vouloir le détruire, mais un être humain, c'est un être habité. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce qui vous habite, hein? Mais quand vous voyez des gros contrastes, là, comme exemple l'État islamique, puis versus un autre, là, qui est un petit jeune là, qui est parti, je ne sais pas, de France, puis il était se ramassant en Syrie, puis tout le kit, là, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il pouvait être vulnérable ou se faire conditionner, puis se faire emberficoter par le mal, puis se ramasser en Syrie pour donner sa vie pour une cause qui n'est pas la sienne. Il est hypnotisé littéralement. J'étudie l'hypnose. Puis l'hypnose, c'est un travail de très haut niveau de suggestion. Moi, j'ai étudié l'hypnose pendant 4 ans quand j'étais jeune, de 18 à 22 ans. Jerry Otis, des gars comme ça, là. En tout cas. Puis c'est des gens qui, s'ils sont mal tournés dans le mental, ont un outil de vente, là, que de le dire, très, très puissant. Très, très puissant. Puis savez-vous, c'est quoi la base même de l'hypnotisme? C'est ne pas douter, affirmer avec force et vaincre le mental de l'autre, le briser. C'est ça de l'hypnotisme. Le magnétisme est un petit peu plus doux, mais c'est plus sournois. J'ai étudié le magnétisme. Dans le temps, ça s'appelait Hector Durville, puis toutes les affaires de magnétisme. Vous pouvez retrouver ça si ça vous dit quelque chose. Hector puis Henri Durville, c'était des maîtres dans le monde du magnétisme. C'est eux autres qui étaient un peu à la naissance de l'hypnose aussi. Et probablement qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fait avancer ça. Mais le magnétisme, c'était vaincre l'aura astrale des gens. Vaincre, on applique sur le mot vaincre les résistances de ce que vous autres allez appeler votre champ magnétique, là, de votre fameuse bulle. C'est quand tu dis « Ah, il est rentré dans ma bulle ». Bon, ben ça, dans la sexualité, tu l'as, ça. Les gens qui sont comme pris par l'amour, c'est des gens que leur bulle a été envahie par le magnétisme de l'autre. OK? Pour vous montrer à peu près ce que ça veut dire, là, le concept du magnétisme. Avec ça, tu peux guérir quelqu'un, puis avec ça, tu peux posséder quelqu'un. Les gens qui prennent de la drogue, en général, sexuellement, sont très envahissants. Mais dans le sens de posséder l'autre. Tandis que les gens qui ont transmuté une grande part de leur sexualité, c'est des gens qui peuvent guérir le magnétisme de quelqu'un. Parce que quand vous êtes malade, vous avez des trous dans votre être, des trous dans le corps astral. Et puis les gens qui ont une maîtrise de la sexualité, maîtrise, ça veut dire qu'ils sont pas assujettis à leur passion, pas à leur désir, pas à tout ça. C'est des gens qui peuvent être par présence, strictement par entrant dans une maison, peuvent nettoyer les terres d'une maison puis rebalancer le corps, la vitalité de l'être. Moi, je guéris mes chats. OK? Faut dire que j'ai pas une sexualité en plus finie, mais j'ai un magnétisme écœurant. Puis ce magnétisme-là me permet de guérir les chats. J'ai sauvé 2 chats de la mort depuis 2-3 mois. Là. Et puis ces chats-là, là, ils veulent dormir à côté de moi toutes les nuits parce que ça les garde équilibrés. Pas des farces. Là. Je prends un petit bébé chat là, qui braille comme un fou. Là, je le prends juste dans mes mains puis il arrête de brailler. Ça, c'est une affaire de magnétisme. Vous connaissez pas vos énergies occultes. Vos énergies occultes passent par une vibration qui, quand ça atteint le corps, a une puissance magnétique et une puissance qui peut guérir. Donc, l'affaire des... comment qu'ils appellent ça? Les Philippins, là, les guérisseurs des Philippines, là, bon, ben, ils travaillent avec cette énergie-là. Mais ça suppose un état mental particulier. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu sais, c'est pas parce que tu dis, ah, moi, t'imposes les mains. Tu sais, si t'es tout croche en dedans, si tu manges mal, n'importe quoi, t'imposes les mains, tout ce que tu vas faire, c'est comme salir le corps vital de l'autre. Ça va te rendre malade, en d'autres termes, plus que d'autres choses. Fait qu'il faut un état mental particulier. C'est pas juste une affaire d'énergie vitale. Ça va plus loin que ça. Donc, je reviens à l'affaire de l'adversité. C'est intéressant à date. Je ne vous perds pas dans la brume. Bon. L'affaire de l'adversité, c'est de comprendre que plus vous passez de tests, principalement le rejet, parce que le rejet, c'est l'expression même de l'adversité, plus vous passez de tests de rejet, donc que vous intégrez mentalement... Intégrer, ça veut dire prendre l'événement puis le ramener à une neutralité. Si vous n'êtes pas capable d'être neutre devant une forme quelconque de rejet, vous ne passez pas le test. Donc, vous êtes pris dans l'âme. Et en général, vous allez avoir une peur d'un type d'événement qui se raccorde au rejet. Et puis, si vous avez une peur là-dedans, ben, ça déséquilibre vos corps et ça vous place automatiquement dans une situation pour être malade. Bon, moi, j'en ai pompé énormément de rejets à cause de la nature de mon travail, puis du type de comportement que j'ai vis-à-vis de la solution, qui n'est pas standard, qui n'est pas de la psychologie standard, qui est une psychologie, comme vous savez, supramentale. Donc, le rejet est omniprésent. Okay. Quand je vois ces lignes comme avec Fabi, Ron Fournier pour le sport, ça fait le même, je le sens, ça, ce rejet-là là, de la société. C'est très, très sensible. Je l'ai pris une fois de front là avec l'affaire de l'astrologie, puis de l'astrologie, on parle encore de l'âme, puis j'ai senti une vague de rejet, de la, parce qu'il y a 3 millions de personnes. L'autre fois, je vous ai dit 500 000, hein, mais j'étais dans le champ. J'ai demandé à Fabi, je dis, il y a combien de gens qui sont ces, s'ils l'écoutent la nuit, il dit 3 200 000. J'ai dit, what the tabarnouche? Je lui ai dit, hein, c'est, on fait du spectacle, mon ami. Je m'ai fait parler de golf à soir. Donc, mais je téléphone au moins une fois par deux jours. À Ron ou à Fabi. Hier, j'ai parlé à Fabi, tu sais, parlé des affaires de la police, là, puis tout le kit. En tout cas, ça pour dire que la dynamique du rejet, c'est le gros test de l'adversité. Et puis, si vous passez pas ce test-là, ça va vous emmener à la mort, l'adversité vous emmène inévitablement à une autodestruction. Parce que vous allez vivre ça, vous allez traiter ça comme il y a quelqu'un qui m'aime pas. Alors que c'est pas la personne qui vous aime pas. C'est la personne est née pour pas vous aimer. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Elle est née. Elle subit une attitude et un comportement pour chercher son complémentaire. Faut que vous compreniez ça, là. T'sais, le gars de l'impôt, après-midi, moi, là, quand j'ai parlé, esti, je l'ai hissé en tabarnak de pas pouvoir faire rien, mais j'ai dit, écoutez, c'est mon travail, monsieur, là. J'ai dit, OK, je comprends. J'ai dit, je t'aime bien, gros. Tu m'as sauvé du suicide, c'est bon, là. Fait que, écoute. Faire de son ennemi, pas vraiment un ennemi, mais une situation neutre, c'est comprendre une chose. Puis je vais me battre jusqu'à ma mort pour vous le faire comprendre. L'autre, il fait partie d'un événement. Il n'est pas responsable d'être ce qu'il est. Rentrez-vous ça là où il faut pour comprendre que vous êtes un événement pour les autres sont un événement pour vos vies et qui est là pour vous faire passer un test malgré l'adversité qu'il représente. Oubliez pas, vous êtes soit une femme ou un homme. Et vous êtes opposé au sexe opposé, opposé, mais aussi complémentaire, mais opposé. L'autre n'est pas là pour faire vos quatre volontés. Il est là pour vous opposer dans vos limites, faire ressortir vos limitations. Et conséquemment, il est bon. Plus il fait sortir vos limitations, plus il est bon. Bon, pas dans le sens moral du terme, bon dans le sens d'habile à. Quand je disais à Céline, j'ai dit, tu traites ton perroquet de la même façon que ton chum te traitait, ça veut dire que je comprends pourquoi que ton chum était dans ta vie. Parce que l'intransigeance que tu as devant ton perroquet, c'est la même intransigeance que tu as subie de ton chum. Same fucking game. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous haïssez de l'autre, c'est aussi une image de vous-même que vous ne voyez pas. Et que, automatiquement, si vous êtes sournois, si vous êtes hypocrite, si vous êtes méchant, puis que vous pensez que vous êtes fin parce que vous avez une belle voix, vous êtes tout en douceur, cliquette, votre hypocrisie va réapparaître dans un événement. Et dans l'événement, vous allez avoir quelqu'un ou plusieurs personnes sous différentes facettes. Parce que si vous êtes hypocrite, des fois, vous êtes caché, hein? Puis tous les personnages que vous pouvez prendre vont réapparaître à travers plusieurs personnages que vous allez rencontrer dans le courant d'une année, dans le courant d'une semaine, dans le courant de quoi que ce soit. Fait que le rejet que vous allez subir de tous ces types d'événements-là, ça va se concentrer éventuellement dans une seule et unique force qui va se placer dans un seul événement. Et ça, ça se présente après 60 ans. Après 60 ans, ça devient très concentré, puis ça devient assez concentré pour être un événement où il n'y a pas de personne, mais il y a des conditions naturelles, comme moi, là, c'est la santé qui me touche. Là. J'ai tellement vu clair que j'ai ébloui des gens. Puis aujourd'hui, quand je conduis, c'est éblouissant. Tout est éblouissant. Je vois de la brume tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que là, je suis obligé vraiment de conduire par vibration. J'ai pas le choix. Fait que mon talent qui m'a permis de voir clair pour les autres, c'est rendu un talent qu'il faut que j'utilise au quotidien pour voir clair, juste pour conduire, pour lire, pour faire n'importe quoi. Vous comprenez-vous? C'est une concentration des tests que j'ai eu dans ma vie, à toujours faire la preuve, à voir à travers les gens, voir clair, le faire voir clair. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je vous vois comme des aveugles. Puis là, aujourd'hui, je suis aveugle de votre aveuglement. Donc, je peux comprendre que vous ne voyez pas clair, parce que là, je vois de moins en moins clair. Puis je comprends que c'est dur, quand on ne voit pas clair, de se rendre de ce point-là à ce point-là. Mais je me dis, si j'ai réussi à voir quand même clair par vibration, ça veut dire que je peux vous emmener à voir clair dans votre vie, pas par la logique puis la compréhension, mais je suis capable éventuellement de vous faire voir clair par vibration. Puis c'est ça mon objectif, de vous faire voir clair par vibration et non pas par la logique. Parce que les yeux, eux autres, ils coordonnent quelque chose de logique dans ma tête. C'est « Ah, telle chose est là, si je me déplace comme ça, je vais m'accrocher dans une chaise, si je me déplace comme ça, je m'accrocherai pas. » Fait que c'est tout le temps de la cohérence logique. Tandis que si je me ferme les yeux, puis oups, comme dans le film Star Wars, il y en a un aveugle là-dedans, puis le gars, il se déplace, là, puis il va juste par vibration, puis il sera où ce qu'il faut qu'il sera. Bon, ben c'est un petit peu ça. Ma vie est rendue de même. Là. C'est 80% vibration, 20% logique. Là. Ma vue en est affectée. Je vois de moins en moins et je suis de plus en plus à la vibration. Je retourne chez nous, moi, là, 80% vibration. Parce qu'on voit rien, on voit vraiment rien. Pas frappé, là, c'est un miracle à chaque fois. Quand j'arrive chez nous, je dis sacrément que vous êtes bon. Je me dis pas, hey, waouh, je suis bon. Non, non, vous êtes bon. T'sais, fais attention, réduis ta vitesse. J'étais au pilote automatique. Ben, vive votre vie sur le contact ou avoir le contact, c'est donner à l'esprit un pouvoir sur l'âme que vous pouvez pas vous imaginer jusqu'où ça va. Vraiment pas, vous le savez pas. Fait que, je comprends que vous ayez peur, logiquement. Je comprends que votre âme a une peur phobique du contact parce qu'il perd le pouvoir. L'âme perd le pouvoir au profit de l'esprit. Puis là, vous allez dire, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir de l'esprit? Mais ça sert que tu vois tellement clair qu'il y a pas une crise de réponse que t'es pas capable de répondre. T'es pas capable de t'imaginer être plafonné au niveau de l'information. Puis, c'est des niveaux d'information qui vous, parce qu'il faut pas oublier, là, c'est de l'information pour agir, là. Vous avez un pouvoir d'action qui va avec cette information-là, qui est exemple de pas voir clair puis de conduire pareil dans le trafic à 120 kilos, à 110 puis 115 kilos, mètres à l'heure. C'est de la puissance en sacrement, ça. Vous pouvez pas vous imaginer. Quand vous dites c'est de la puissance pour vous autres, vous allez dire logiquement c'est pas de la puissance, c'est de l'handicap. Ouais, on peut le voir de même. Et c'est là que Bernard disait tout le temps, il dit l'esprit c'est à l'envers des règles de l'âme. Puis c'est vrai, c'est vraiment à l'envers des règles de l'âme. Là où les gens disent ce qu'ils s'aiment, pour une personne qui est dans l'esprit, c'est pas de l'amour qu'ils vivent, c'est de l'harmonie, c'est pas pareil. L'harmonie, ça veut dire que tu rends quelque chose vivant pour pouvoir subvenir et survivre dans un environnement matériel qui est adversaire à la vie, OK? Vous allez dire, ah ben moi j'aime cette personne-là. Le mot exact dans l'esprit, c'est j'aime bien être avec parce que je peux l'utiliser, puis l'utilisation que j'en fais me permet d'améliorer ma vie. On n'est plus dans l'esprit, on n'est plus dans l'esprit de la même façon qu'on est dans l'âme. L'âme s'est aveuglée, par un sentiment, puis l'esprit, c'est réaliste. Réaliste. Ça sait ce que ça fait avec l'autre. Mais il n'y a pas l'amour de l'âme aveugle, spirituelle, l'amour qui sous-tend une certaine haine ou une peur de perdre. Vous n'avez pas ça là, dans l'intelligence. Dans l'esprit, il n'y a pas de peur de perdre. L'autre, c'est sa vie. C'est pas, elle ne t'appartient pas, sa vie. Sa vie ne t'appartenant pas, elle est là parce que c'est intelligent. Elle n'est pas là parce qu'elle a peur de te perdre. Elle est là parce que c'est intelligent. Puis c'est intelligent pas parce qu'elle veut que ça soit intelligent. C'est intelligent parce que c'est possible que ça soit intelligent. Donc, la personne ne t'appartenant pas, puis restant avec toi, sa constance, c'est une intelligence, et non pas une peur de perdre. Là, tu vas dire à quelqu'un, « Wow, tu es constante, cette personne-là, elle reste dans ma vie. » Ben oui, elle reste dans ta vie, Christ. Si elle te perd, elle est complètement dysfonctionnelle. Ben, quand tu fais voir ça à quelqu'un, si la personne s'en va, tu es dysfonctionnel. Tu vois bien que c'est la dépendance que tu as à l'autre qui fait que tu dis que tu l'aimes. C'est pas que tu l'aimes pas, tu l'utilises au max. Mais tu ne l'utilises pas avec une conscience, tu l'utilises avec une peur de perdre. Fait que l'évolution d'un être va être de l'intelligence, c'est de voir clair dans tout ce qu'il fait. Et puis, il va même pouvoir dire à un moment donné, comme moi, mes chers, je veux dire, quelqu'un, n'importe qui dirait, t'as bien trop de choses, ça n'a pas de crise de bon sens. Mais le problème, c'est que des chers, il y a eu une portée un matin. Je ne sais pas combien de chers qui étaient, j'ai pas été. Puis je dis, s'ils sont encore en vie à soir, on va les protéger. Mais là, je l'ai laissé dans le salon avec la chatte, puis j'ai dit, en souhaitant qu'il en reste. Parce qu'habituellement, les autres chattes, les mangent, les chats, les bébés. Là. Je sais que pour vous autres, c'est un illogisme, mais pour moi, je trouve ça intelligent, parce que je me dis, si j'en ai trop, c'est les femelles qui gèrent le cheptel, comme on dit. Ce qui va rester à soir, bien, moi, le protéger. C'est pas... c'est plus des logiques de vie, là. C'est de l'équilibre de vie. Géré par les forces et non pas géré par l'humain. L'humain, lui, il va être dans l'amour, le sentiment, le kit. Moi, j'en ai plus, là, c'est fini. Là. Mais dans l'intelligence, c'est telle affaire peut se faire. Puis les animaux le savent, qu'est-ce qui est intelligent et qu'est-ce qui n'est pas intelligent. Et si les animaux le savent, on peut s'imaginer facilement qu'un être humain le sait aussi. C'est difficile d'imaginer que Trump a raison dans ce qu'il fait, hein? Mais moi, je suis capable de voir que c'est bien intelligent ce qu'il fait. D'éliminer les musulmans, là. Qu'est-ce qu'il élimine? Un cheval de Troie. Savez-vous ce que c'est, un cheval de Troie? C'est un virus qui rentre dans un computer en se cachant en arrière d'un logiciel. OK? Bon, ben, sous des espèces de règles légales, de constitution, puis de ci, puis de ça, ils font, les musulmans, un cheval de Troie. Ou tu élimines la religion, ou tu élimines le musulman. Mais il faut que tu élimines un des deux. Si le musulman reste accroché à sa religion, il faut que tu élimines le musulman. Si le musulman est capable de ne pas aller à la mosquée, de faire comme un bon Québécois, là, de ne pas aller à la messe, t'es correct. L'histoire du crucifix, là, ils ont fait un gros char avec ça. Puis les gens, là, quand j'ai parlé à Phoebe, là, il dit, les gens, dans mesure qu'ils protègent le patrimoine, on peut rester athée. Mais dans la mesure où les gens commencent à vouloir se battre avec le musulman, la religion islamiste, là, on est en guerre. On est chrétien. On va devenir chrétien. C'est dans la tête de l'autre, là. Là, on revient aux croisades puis la guerre des religions, parce que le musulman, il y a un gars, à un moment donné, qui était sur... la nuit, là, Fabi la nuit, il dit, si les musulmans ne feraient pas de politique avec leur religion, ils seraient tolérables. Il dit, on n'a pas de problème avec les gens qui ne font pas de politique, mais c'est parce que leur religion, c'est une façon d'envahir notre politique. Puis, la base du problème, c'est le rapport qu'ils ont avec les femmes. On n'accepte pas ça, qu'une femme soit dominée au Québec. Les femmes ont travaillé trop fort pour avoir leur place, puis se faire bafouer par une religion. Hey, moi, j'avais le goût d'applaudir. Je me suis d'ailleurs pas gêné, parce que j'étais chez nous, puis personne ne m'entendait. Pour pas passer pour un islamophobe. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que lui, il parle? Puis là, Fabi, ben ouais, mais il faut être tolérant. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à la mosquée de Québec. J'en ai rien à cirer. Moi, de la mosquée de Québec, il dit, le problème avec la police, là, on a pas mal plus de... C'est pas mal plus grave que la mosquée de Québec. Il dit, ouais, mais... Fabi, il disait, ouais, mais il n'y a pas eu de mort d'homme. Non, pas évident. Mais quand tu travailles avec la mafia, puis qu'il y a de la cocaïne, puis de la drogue, puis ça, il y a des gens qui meurent d'overdose, puis ces affaires-là. J'ai dit, c'est juste que c'est plus caché. Puis ça dure depuis 20 ans. Ça n'a pas été juste une journée, puis un gars est rentré, puis bing, bing, bang. Ça s'est fait là depuis 15, 20, 30 ans. J'ai dit, wow, ce gars-là, là, il est sous ma longueur d'onde. On travaille ensemble. J'ai téléphoné, j'ai pogné Fabi. J'ai dit, il était bon, le gars. Hein? Il dit, ouais, mais t'as vu, j'étais pas tout à fait d'accord. J'ai dit, c'est pas grave, il y a des gens qui peuvent dire des choses que toi, t'as pas le droit de dire à la radio. Et, on est mieux de parler de golf ou de tennis, qu'est-ce que t'en penses? Tout ça pour dire qu'ils sont limités, les animateurs, tu sais, il faut qu'ils fassent attention pour pas se ramasser avec des problèmes à caractère légal, là. Il faut qu'ils protègent l'image. Parce qu'à un moment donné, je l'avais pris par la bande, puis j'ai dit, écoute, je reste à Dundee, pas loin d'un poste frontière. J'ai tout au peur qu'il arrive par le champ, une gang en skidoo avec des réfugiés embarqués en arrière par les Indiens. Puis j'ai dit, ça vient atterrir dans le cours chez nous. Je dis, je fais quoi? J'ai dit, je les ai ouvert à la porte pour les recevoir, puis devenir Dundee, une ville sanctuaire, ou bien, je lui ai envoyé, je dis au gars, continue ta ride vers Montréal, parce que c'est Montréal la ville sanctuaire, tu sais. Il dit, ouais, mais vous avez le droit à votre liberté d'expression. Je dis, ma liberté d'expression, mon œil, si je commence à avoir une attitude répulsive vis-à-vis des réfugiés, on va me dire que je suis islamophobe, puis te quitte. Je dis, je veux pas avoir ça. J'ai la paix, moi, où est-ce que je reste? Puis j'aimerais ça que pouvoir garder ma paix. Puis, en tout cas, on a eu un petit débat, puis il y a, à la fin, en voulant dire, t'as le droit d'avoir ton opinion, là, tu sais. On est dans des médias aujourd'hui que Trump aime pas pour une raison. Les médias ne donnent plus d'informations. C'est fait ça sur les médias Facebook, ces bébelles-là. L'information passe là-dessus. Les journaux aujourd'hui, c'est des médias d'opinion. Et une opinion, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de langue, mais c'est un pouvoir pareil. Et Trump s'attaque au pouvoir contre son pouvoir. Ce qu'il veut pas avoir, c'est deux pouvoirs à la même place, mais un pouvoir qui discute ou négocie son pouvoir, donc qui affaiblit son pouvoir. Mais il s'attaque à des pouvoirs qui contestent son pouvoir et qui peuvent, comment je dirais ça, limiter la concentration du pouvoir à la reconstruction de l'Amérique, pour donner le pouvoir à l'universel, ce qui est très spirituel, donc qui amplifie le pouvoir des religions. Si les religions prennent de l'amplification dans les temps futurs, le pouvoir politique va être miné par les religions et va être automatiquement saccagé par le musulman. Les musulmans, c'est des envahisseurs, c'est des chevaux de Troie. Retenez-la, celle-là, parce qu'on n'a pas fini de l'entendre parler. Il va y avoir de la guerre à cause du monde arabe, et souvenez-vous de Nostradamus qui avait dit que la dernière grande guerre mondiale, ça va être une guerre créée et déclenchée par des Arabes. Nostradamus l'avait prédit autour de l'an 2000, mais il y a eu l'affaire de Saddam Hussein. Bernard avait dit, moi je me souviens juste avant de mourir, t'étais là, je pense, un souper chez Liz, il dit, les Arabes, il faut lui casser le dos du chameau. T'étais-tu là, toi, Claude? Hein? Oui. Ouais. Puis ça, dans ce temps-là, c'était Saddam Hussein, mais ça allait plus loin que ça. L'évolution de l'âme, c'est de l'adversité. On est à l'époque de l'Apocalypse, puis l'époque de l'Apocalypse, c'est l'adversité dans le spirituel. Neptune est en poisson, présentement, là. Neptune, c'est l'apothéose des religions. C'est l'effervescence ultime, parce que Neptune est le maître du signe du poisson. Puis Neptune en poisson, ça fait mettre en relief les religions à un degré qui ne se représentera plus avant, faites le calcul, 12 fois 12, 144 ans. Et en 144 ans, il va y avoir une autre façon de voir le concept de la divinité. Ça peut être une histoire d'extraterrestre, ça peut être une histoire comme nous autres on parle, de force, c'est les forces. Dans le film Star Wars, c'est l'avènement du concept des forces, mais des forces, on va dire, en guillemets, cosmiques, là. Mais le film Star Wars, puis la compréhension des forces dans le sens négatives et positives. Ça se rapproche beaucoup du concept des forces dites supramentales, OK? Donc, les forces dans le sens de la conscience, puis les forces dans le sens de Star Wars, c'est proche. Disons que, prenez de l'intelligence, astralisez-la, puis ça donne Star Wars. Ça donne les forces, la force, que la force soit avec toi, là, du côté négatif ou du côté positif. Ça, c'est de l'intelligence astralisée, c'est ça que ça donne. Vous voyez comment est-ce que l'âme ou l'astral peut récupérer de l'intelligence. Fait qu'on va parler dans l'intelligence des forces ou de la force, peu importe. Et puis, si on la met dans une polarité, négatif, positif, c'est de l'astral qui a récupéré de l'intelligence et qui a réussi à créer une adversité. Donc, à perpétuer dans la compréhension de l'intelligence, donc de l'esprit, une compréhension astrale de l'esprit. Vous voyez comment ça peut polluer? Dès qu'il y a adversité, vous avez automatiquement de l'astral. Quand il n'y a pas d'adversité, il y a de l'intelligence. L'intelligence, ça ne s'ostine jamais. Il n'y a jamais d'adversité dans l'intelligence. Et travailler à éliminer l'adversité, c'est une job de tous les jours. Je regarde Gilles avec son frère Bernard, il y a une adversité monumentale. Celui des deux qui va réussir à neutraliser l'adversité du rapport Gautier dans la famille, c'est celui qui va être le plus intelligent, qui va être dans son esprit. Parce que il y a des frères qui sont nés pour se battre entre eux autres. C'est très, très, très, très, très fréquent que dans une structure familiale, il y a un élément adverse à son frère ou à sa sœur ou à peu importe. Très fréquent, pour ne pas dire tout le temps. OK? J'ai eu mon gars, moi, qui était seul, fils unique, puis il y a eu un petit voisin qui s'est présenté, puis il disait tout le temps, Joe, il dit, ça, c'est mon frère. Mais son frère le fourrait de 120 000 piastres. J'ai dit, c'est-tu toujours ton frère? Il dit, c'est plus mon frère. J'ai dit, non, c'est un vrai frère que tu as eu. C'est ça, un frère. C'est quelqu'un qui, en quelque part, veut, par jalousie, veut te couper en deux. C'est ça, la famille, mon pit. Je regarde Monique, qui a eu des frères et sœurs, puis il y a une de ses sœurs, Louise, qui est en guerre avec sa sœur Monique. Puis Monique, inévitablement, elle voulait l'aider, sa sœur. Puis sa sœur, il a fait des coups de cochon, puis c'est la guerre. T'as toujours un membre de la famille qui crée une structure d'adversité. C'est immanquable. Parce que c'est de l'âme de la famille. De la famille, c'est de l'âme tout le temps. T'es venu d'un père puis d'une mère, d'un père et d'une mère qui étaient adversaires et qui ont réussi peut-être avec les années puis les enfants puis le combat avec la survie de se développer une complémentarité par nécessité. Vous voulez régler le problème de l'adversité? C'est pas compliqué. Créer une situation de nécessité. Là où c'est nécessaire, vous allez pouvoir réussir à être complémentaire. Mais si c'est pas nécessaire, vous allez devenir adversaire. Ça, c'est une Christie drague. Tu sais, il y a des gens qui sont en conflit, il arrive un gros problème. Moi, quand j'étais en skidou, là, tout le monde s'aidait. Quand on faisait la compétition de moto, là, puis que, il y en avait un qui cassait, ben, il était tellement bon en compétition qu'on voulait l'avoir comme compétiteur, fait qu'on l'aidait, on y remontait son moteur, ta patente, tu sais, puis ah ouais, il embarque sa machine, puis essaye d'être premier encore. Tu sais, c'est comme, on protège qu'est-ce qui nous protège ou qu'est-ce qui nous justifie le fait de faire de la compétition. Aimer que l'autre réussisse, c'est ça, neutraliser l'adversité. Vous avez un frère, une sœur qui est en conflit avec vous autres. Il faut qu'il, celui qui est le plus négatif, le plus jaloux, on va dire ça de même, il faut que lui change. Si lui change pas, il va détruire la famille. Il va détruire. Mon frère, il a détruit la famille par sa jalousie avec moi. Puis ma sœur n'a pas le goût d'y parler parce qu'elle a vu sa jalousie vis-à-vis de ma personne, puis elle n'a pas le goût d'y parler. Elle a choisi son camp. Elle dit avec Yves, là, notre frère, il est pas parlable, puis avec toi, t'es parlable. Fait que, elle dit, je m'en vais de ton bord. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le jaloux, c'est le plus hypothéqué. C'est celui qui va se réincarner encore 10 vies et plus. Parce qu'il est hypothéqué par le mal. étant hypothéqué par le mal, s'il ne se libère pas du mal, s'il n'élimine pas sa jalousie, s'il n'élimine pas son adversité, il va être adversaire de tout le monde. Fait qu'il va être isolé de tout le monde, il va finir seul, il va être malade seul. Il n'y a personne qui va vouloir l'aider. Tandis que celui qui est dans le bien, ou pas le bien, mais qui est neutre là, disons, vis-à-vis de l'autre, lui, tout le monde va l'aider, tout le monde va vouloir l'avoir dans sa soupe. Je fais un combat de popularité avec mon frère, je l'emmène ici, ça prendrait pas 10 minutes que vous seriez déjà à dos contre lui, puis vous direz, bon, nous autres, on va en parler Daniel, on va tout et ferme ta gueule, puis va-t'en dehors. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il est pas populaire, le jaloux. Il est pas populaire, puis il est pas aimé, puis sa haine entraîne un climat de haine autour de lui, automatiquement. Fait que c'est une situation puis y a pas, les gens jamais vont vouloir le récupérer. Jamais, jamais, jamais. Parce que il amène le mal. L'adversaire emmène le mal. Et que j'avais une consultation par un gars, il dit, la fille, elle s'est fait violer par son père à répétition. Il dit, moi, quand je l'ai vue, il dit, je voulais la sauver. Ah ouais, tu voulais sauver ça, toi. Ben, il dit, comment ça, pourquoi tu dis sauver ça? C'est un être humain. Non, c'est un animal. Elle a pompé du mal toute son enfance. Puis là, je te gâche que tu as fait des petits, puis elle t'a hypothéqué avec. Il dit, comment ça fait que tu sais ça? Mais je dis, le mal, ça se perpétue. Elle est venue, elle n'est pas venue au monde juste de sa mère, elle est venue au monde du mâle aussi. Elle a de son père dans le corps. Si son père l'a violé, il faut qu'elle la viole, c'est à son tour. C'est un animal, c'est un prédateur, cette femme-là. Fait que si cette femme-là, si c'est un prédateur, sa job, c'est de te faire souffrir. Ah ben ça, elle a pas manqué son coup. Puis j'ai dit, tu veux encore le sauver? Il dit, quand je suis reposé, il dit, oui, quand je suis fatigué, je veux pas avoir. Ben, je dis, donne-toi donc 3-4 ans de fatigue pour le fun, ça pourrait te faire du bien. J'ai tout fait pour qu'il coupe avec. Il dit, je vais essayer de faire ça, mais il dit, c'est pas dans ma nature. Il dit, moi, je suis un aidant. Tu faisais combien de salaire quand t'étais avec puis t'étais aidant? Une 150 000 par année. Puis là, ben, je suis sur le chômage. Elle a réussi à te détruire, mon grand, là. Puis elle veut t'enlever les enfants en plus pour te faire souffrir un peu plus. Elle n'a pas les moyens, je suis prêt à te gager. Non, on dit, elle n'a pas les moyens. Fait qu'elle va faire souffrir ses enfants comme elle t'a fait souffrir. Ah, sacrement! Puis je dis, le mal va se perpétuer. Ça a commencé avec son père qui a dû souffrir. Là, c'est elle qui commence à te faire souffrir, puis là, elle va faire souffrir les enfants. Quel âge qu'ils ont, les enfants? 2 ans puis 5 ans. Ah, c'est l'âge parfait, ça, pour commencer à faire souffrir quelqu'un, puis que ça devienne éventuellement un prédateur, lui, avec. Puis il dit, tu veux que je les abandonne? Mais je n'ai pas le choix, anyway. Elle va te faire de la misère, puis elle va te détruire avec les enfants, là. Il dit, t'es sûr de ton affaire? J'ai dit, je te le garantis. Le mal, c'est pas une personne. C'était une façon de vivre, c'était une façon de se comporter, c'était une façon de penser. J'ai dit, là, je peux pas te faire un séminaire pour te faire comprendre qu'on c'est pas nous autres qui pensent. Mais en tout cas, si tu suis pas mon conseil, rappelle-moi plus parce que tu vas tout le temps me compter la même salade, que t'es de plus en plus... puis à un moment donné, tu vas me parler puis tu vas tousser parce que ça va t'atteindre aux poumons, puis papa. J'en ai eu des cas dans ma vie au-dessus de 40 000. Je peux te dire que je connais l'être humain pas mal plus que tu penses. Un être humain leur tient les bains comme il faut. C'est un animal. Puis c'est un animal jusqu'à temps que ça soit intelligent. Puis c'est pas tout le monde qui réussit à l'être. Puis il y a plus de gens qui meurent animal qu'ils meurent humain. Humain, là, c'est un privilège de l'être. Animal, ça, c'est donné à tout le monde. Allez-y pour les questions. Numéro 170. Tu disais tantôt, avec l'exemple du perroquet, qu'on vit ce qu'on fait vivre, ou t'as pas dit ça de même, mais je comprends. C'est pourquoi que c'est de même, finalement? Ce qu'on vit, ce qu'on voit pas? Écoutez, partez du principe que l'âme, c'est aussi évident que le comportement, on va dire, entre guillemets, rationnel qu'on a. L'âme, son terrain de cachette, c'est votre intellect. Il se cache en arrière de l'intellect. Il se cache en arrière de la capacité de justifier. Puis plus un individu est habile au niveau des idées, plus il peut se cacher. L'âme a beaucoup de place pour se cacher, parce que vous êtes tout le temps dans le jeu. Pour être dans l'esprit, pour être avec ton esprit, il ne faut pas que tu sois réflexif. Donc, il ne faut pas que tu sois dans le jeu. Donc, dès que tu passes au jeu, tu vas avoir des idées. Puis si tu as des idées, l'âme peut se cacher dans les idées. C'est-à-dire, elle peut traverser le corps avec un état d'âme, une émotion, un sentiment, puis ça va se cacher dans l'arrière des idées. Fait que tu peux pas la lire. Pour lire l'âme, faut être très sensible au niveau vibratoire et non pas au niveau intellectuel. Puis pour être sensible au niveau de la vibration, faut écouter quelque chose qui est en dehors des mots. Moi, j'imagine une relation avec un extraterrestre que c'est strictement par télépathie, on va dire ça de même. C'est strictement par perception vibratoire parce qu'il n'y aura pas de communication possible au niveau des idées. OK? Moi, tu me fais atterrir un extraterrestre, je peux communiquer avec parce qu'il va, vibrer, puis je vais vibrer ce qui vibre, puis dans la vibration, je vais être capable de le rejoindre. Mais au niveau des idées, c'est impossible de se rejoindre. Il y a une expérience, on va dire, de naissance qui est absolument différente de la mienne. Donc, on peut pas se rejoindre au niveau des idées. C'est très difficile, disons que je m'en vais en Russie, c'est très difficile de penser comme un Russe, penser comme un Allemand, penser comme un Asiatique, ça fait la même. Parce que l'expérience au niveau du monde de l'idée, de l'apprentissage, de l'intellect, de Mercure en astrologie, qui est la cohérence, c'est pas les mêmes types d'expériences. Donc, c'est pas les mêmes types de références. Tu sais, tu vas aller essayer de parler arabe sur Facebook. Si t'as pas appris l'arabe, oublie ça. Fait que si t'as pas eu une éducation arabe, tu comprendras pas non plus la... Tu sais, tu peux parler arabe, mais c'est pas sûr que tu vas penser en arabe. Mais tu vas avoir la logistique intellectuelle de l'arabe, mais t'auras pas la perception culturelle de l'arabe. T'auras pas le senti de l'arabe. Donc, dans l'âme, il y a beaucoup de cachettes en arrière des mots. Il y a beaucoup de cachettes en arrière des idées. Il y a beaucoup d'hypocrisie, si tu veux, de l'âme, parce que c'est des entités, c'est de l'astral. Tandis que dans l'esprit, c'est une vibration. Il n'y a pas de cachette là-dedans, là. Puis c'est centrique, c'est pas dualitaire. Faut jamais que tu oublies que l'âme, c'est un duel, dualité, duel, adversaire, conflit, combat, guerre. Dès qu'il y a une guerre de raison, il y a une guerre d'âme. Il n'y a pas de guerre de raison dans l'esprit. L'esprit rejoint l'autre par la vibration, puis éventuellement, l'esprit a la maîtrise du verbe. Donc, elle utilise l'idée pour transférer la vibration. C'est à ce moment-là là, qu'on peut dire tu parles intelligemment, tu as le mot juste, puis tu le quittes. Mais quelqu'un qui est mal perçu, qui est mal lu, c'est parce qu'il te reçoit au niveau de l'idée, il ne te reçoit pas au niveau de la vibration. Donc, parler, il y a deux niveaux de parole. Il y a la parole au niveau de l'idée, puis il y a la parole qui est une vibration. Puis quand vous allez parler, puis que vous allez être vibrant, vous allez vibrer de l'intelligence qui va aller vers l'autre comme un rayonnement magnétique. Tu sais, c'est comme quand je prends un chat puis qu'il arrête de pleurer, c'est que la vibration calme l'animal, calme le corps, calme le magnétisme de l'autre. Lui, il arrive avec son frère, mettons, là, puis il tombe dans des arguments. Il vient pas me parler d'intelligence là-dedans, là. Il n'y a pas un qui est capable de calmer l'autre. Ça fait juste un conflit, là. Alors, s'il y a conflit, il y a âme. L'âme a gagné. Ouais. Si l'âme gagne, puis que tu n'as pas l'esprit pour avoir la solution pour renverser ça à une neutralité, vous n'avez pas un dialogue intelligent. Vous avez un dialogue d'idées et de valeurs, mais vous n'êtes pas intelligent. Ça se comprend-tu, ça? Dites oui ou non. Oui. Bon, merveilleux. Être intelligent, c'est au-delà des idées. Il n'y a pas de valeur raccordée à ça. Il y a un effet. Quand vous êtes en dehors de la contestation, quand vous êtes en dehors de l'argumentation, il y a un effet. Moi, quand je m'en vais en consultation, c'est pour créer un effet et non pas créer une idée. Il y a des fois, j'arrête pas de me répéter. Mais je m'en vais pas là pour répéter. Je m'en vais là pour gazer un auto qui est en panne sèche. La personne n'a plus de mise en vibration pour se motiver ou bouger ou faire quelque chose. Comment tu fais pour maintenir cette capacité-là de se dépersonnaliser? Quand tu es dans l'intelligence, tu ne donnes pas d'importance à ce que tu dis, puis tu regardes ce que ça fait. Et tu travailles avec ce que ça fait plutôt qu'à travers le raisonnement. Moi, quand je m'en vais faire un consultant, là, je ne m'en vais jamais pour parler d'une idée. Je parle d'idées pour l'effet que ça crée. Puis quand à un moment donné, je dis aux gens, avez-vous des questions, puis qui n'ont pas de questions, c'est parce que ma job est faite. L'effet est là. Si on n'a plus d'idées, c'est que j'ai neutralisé l'âme. Si j'ai neutralisé l'âme, ça veut dire que l'âme a été neutralisée par l'esprit. L'esprit a neutralisé les idées. La mémoire a été mise en suspension pour laisser passer la vibration. Quand I make the job, j'ai fait l'ouvrage. Puis là, après ça, ben, c'est de rebalancer le tout, parce que les gens vont vivre dans la société après. Fait que là, je leur donne la parole pour qu'ils puissent, dans la parole, faire une symbiose entre le mental qui est en suspension et puis le goût de vivre qui doit continuer à fonctionner. Parce qu'il faut qu'ils atterrissent, là. Alors là, s'ils veulent pas atterrir, ben, je les laisse en situation de suspension. Puis juste pour les remettre groundés un petit peu, ah, gang de toto, puis d'imbéciles, puis ça. Alors là, ça les choque, puis la colère les ramène. Puis là, ils partent avec un petit peu de colère, puis de frustration, puis là, c'est juste correct. Là, je viens de donner mon truc, là, mais là, c'est... Ça, je m'inquiète pas, ça va marcher pareil. Ben, c'est ça, exactement. Éventuellement, probablement, que quand vous allez avoir l'esprit bien clair, vous allez faire la même chose. Vous êtes obligé de rebalancer les relations, sinon vous allez dominer. Vous allez dominer pourquoi? Parce que les gens vont être en suspension, vont être suspendus, puis là, ils vont développer une dépendance là-dedans. Il y a bien du monde, moi, qui m'ont dit à travers les années, c'est addictif en maudit, aller c'est un consultant. Je dis, oui, c'est normal. T'es bien, là. Hein? Tu reviens parce que t'es bien. Non, mais ça améliore ta vie. Hein? Ben, ça améliore. En principe, ça améliore ta vie. C'est supposé. Ben oui, c'est ça que c'est supposé faire, tu sais. C'est comme le petit bébé. Puis là, je vais prendre dans mes mains puis arrête de broyer. Bon, ben, quand les gens viennent sur le consultant le vendredi soir, ils citent, je suis comme un consultant, vous êtes à peu près le même nom. C'est okay. Okay. Ça calme l'âme. L'âme est calmée parce que la vibration monte. Puis quand la vibration monte, ben, tu te détaches de l'idée, du raisonnement. Tu vas dans le principe. Puis quand tu es dans le principe, ben là, il y a comme ton mental ne peut plus penser, là. C'est pas... L'âme est plus capable de créer d'adversité. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est tellement ça qu'il n'y a plus rien à penser. Là, quand il n'y a plus rien à penser, t'es bien. Puis je vois le lance, avez-vous des questions? Parce que si tu penses encore, t'as des questions. Puis là, il n'y a plus de questions. Alors là, ça veut dire que t'es en état de suspension. Puis là, ben, si vous ne posez pas de questions, j'ai gagne de cartes. Je ne peux pas croire que vous êtes intelligent, que vous n'êtes pas capable de poser de questions. Voyons donc. Là, ça ramène dans l'âme un petit peu. Puis s'il y a encore des restants, des moutons, si tu n'as pas fini ton assiette, tu vas manger de demi bouchée. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de truc, le gars. Non, mais c'est pour ça que tu ne peux pas faire ça si tu es gentil. Les personnes spirituelles ne peuvent pas faire ce travail-là. Non. C'est impossible. Parce que les personnes spirituelles ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas utiliser les polarités. Non. Elles vont être victimes. Mais oui, c'est ça. Elle va vouloir être dans le plus tout le temps. Et ça. Ben, on a peur du rejet. Les gens spirituels, c'est des gens qui ont peur du rejet. Ils passent pas les tests. Tu es supposé être avec quelqu'un qui est adversaire à toi puis le neutraliser tout le temps. Peu importe sa position sociale. Quand tu es avec l'impôt, tu es pas mal avec le pire. Ça, puis la mafia, tu es proche. Tu sais, l'impôt, c'est le mal du bien. Puis un gars de la mafia qui dit merci, c'est le bien du mal. Oui. Oui. C'est ça. Qui est dirigé astralement, mais tu dois composer avec. Oui. Mais regarde la police. La police, c'est plutonien, mais la mafia, c'est plutonien aussi. C'est le mal négatif. Puis la police, c'est supposé être le mal positif. Mais regarde, les deux se mêlent, là. Pourquoi? Parce que c'est deux factions de Pluton, positif, négatif. Mais ça, c'est comme le rond, là, où il y a du noir puis du blanc, qui a un point noir dans le blanc puis un point blanc dans le noir. Donc, le point noir dans le blanc, ben c'est les policiers corrompus. Puis le point blanc dans le noir, ben là, on ne le saura jamais parce que le noir cherche à cacher le blanc. Hein. Mais ça, on va dire que c'est ceux qui aident la police parce que c'est des histoires de gang. Là. Histoires de gang, il y en a autant dans la mafia qu'il y en a dans la police. Là. C'est les principes de pouvoir sont les mêmes. Un essaye de manger l'autre pour avoir le pouvoir. Là, ils servent de l'opposé. Fait qu'ils vont servir de la police pour faire toaster un gars qui est. C'est les pushers, là. Ils vont dire, hey, il y a tel pusher qui est à telle place, puis il travaille à telle heure, telle heure. Là, les policiers font une descente, ils bouffent le gars. Puis l'autre, ben, il a tout le territoire à lui. Puis là, en échange, le policier va dire, ben, écoute, si tu me donnes l'info comme ça, je vais te donner quelque chose, tu sais. Quand on va faire une saisie, on va te donner la coke du gars, là, puis tu le quittes. Fait que là, ça commence à se corrompre, là, comme ça, puis ils font des trades. Puis au bout de 20 ans, ben là, ça fait des gars qui montent en grade parce qu'ils ont fait plus de saisies que la moyenne, mais il y avait des informateurs pour les aider. Et tout le kit. Ben, c'est le jeu de l'âme, tout le temps. Un gars qui a une maîtresse, il va toujours dire à sa maîtresse qu'elle est bien plus fine que sa femme. Puis il va dire à sa femme, inquiète-toi pas, c'est juste un objet sexuel, puis toi, c'est pas pareil, je te garde pour jusqu'à la fin de mes jours. C'est toujours le même pattern. C'est une game. C'est une grosse game. C'est pareil dans le business, dans les gens qui travaillent. C'est celui qui est indélogeable, c'est celui qui dépasse ci, puis dépasse ça, il est concours, puis le boss, il dit, ah ben lui, il est fiable, puis... Mais il va tout le temps faire sentir une compétitivité. Tu sais, c'est divisé pour les guis, hein? C'est toujours le même pattern. Là. OK. J'ai dit à Ron à un moment donné, je dis, Michel Therrien, là, il a été évacué là, parce qu'il y avait une éclipse lunaire. Il dit, come on. J'ai dit, ouais, j'ai dit, Julien ne fera pas mieux que Therrien. Mais je peux te dire que le Canadien va commencer à gagner en nouvelle lune. Ils ont gagné 4 games en fil. Puis comme il y avait une nouvelle lune éclipse, ils ont tous gagné en prolongation. Ou bien difficilement en troisième période. J'ai dit, tu vois, là, quand tu vas arriver à la nouvelle lune, check sur le calendrier. Tu vas voir, ils vont gagner. Ils ont gagné 4 games en ligne. Pour lui, c'était une affaire de motivation. J'ai dit, Don, Ron, on va faire quelque chose. Dis-moi, toi, comment tu pourrais te trouver à confiance? J'ai dit, les gars, là, ils ont plus confiance. Là. OK? Dis-moi comment ils vont se trouver confiance. Alors, ta-ta-ta-ta-ta, fais ça, puis, tu sais. J'ai dit, t'es un vrai lion, hein? Il dit, hein, t'es un bon père de famille. J'ai dit, je suis sûr qu'il y a des gars qui t'ont entendu, puis ça va aller mieux. Puis, ils ont commencé à gagner après. Et là, ça fait 2-3 fois, j'essaie de leur pogner sa ligne, dire, tu vois, là, t'as donné un petit coup, ils t'ont écouté, il y a quelqu'un là-dedans qui t'a écouté. Tu vois, là, ça, ils ont fait ce que t'as dit. Ben, c'est un lion, regarde. J'ai dit, check ma prochaine pleine lune, là, ça se passera pas comme tu veux. Parce que ils vont perdre. Ben, check les pleines lunes, là, tu vas voir, là, ils vont aller à la misère. Apparemment, qu'ils rencontrent les Blackhawks. Puis ça va tomber exactement sur la pleine lune. Okay. Ils vont manger une crise de bolide. Je pense que c'est en pleine lune pour la Blackhawks aussi. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est les Canadiens qui manquent. C'est les Canadiens qui mangent la misère en situation de pleine lune. T'en donnes. Il n'y a pas de hasard. Check. Tu verras. Puis là, dis-moi pas que je suis bon en astrologie. Je vous donne juste une règle. C'est comme, tu tournes à droite, tu fais ci, tu fais ça, tu te donnes un chemin. Il y a bien du monde qui vont dire, ah ben Julien, il est bon, il les a fait gagner 6 games, puis mon œil, c'est un taureau, ce gars-là. Il travaille juste avec les faits. Là. Tu savais-tu ça que Radulov, il demande 8 ans aux Canadiens de contrat? Qui? Te souviens-tu de Piqué, combien qu'il demandait? 10. Oui? 10. Ben, non, ben, il demandait des années. Ah, tant d'années? Oui, 8 ans. C'est deux taureaux. Piqué et Radulov, c'est deux taureaux. Ils sont tous les deux spectaculaires. Mais ils sont aussi spectaculaires qu'ils veulent des contrats très longs. Puis Bergevin n'est pas intéressé. Pour Radulov, 3 ans max. Puis Piqué, il ne voulait pas le signer si longtemps. Puis il s'est débarrassé de Piqué juste avant la signature de son contrat. Il va se passer en même calice d'affaires avec Radulov s'il est trop dans le profit. Il veut trop profiter de la situation. Puis tout le monde a raison. S'il signe pour longtemps, le gars va ralentir puis il va s'asseoir sur son contrat. Parce que c'est typique au taureau. Tout le monde le sait, ça. C'est excitant, hein? Ouais, puis Ron aussi, puis Nano qui s'appelait Normand quelque chose, puis... Et tout le monde dit qu'il ne faut pas que ce soit plus que 5 ans, gros bac. Parce que tous les joueurs qui ont des contrats à long terme, ils ont beaucoup de difficultés à réussir. Ben, ils s'assoient sur le contrat, les gars. Alors, ils perdent le feu. L'argent, ça pourrirait de notre. Question. Dans ton exemple du maire tantôt, là, c'est sûr que lui, il faut qu'il sorte la situation, mais c'est quand même. Il y en a-tu une porte de sortie là-dedans? Là, formule-moi ta question que ça soit clair. Hein. Ouais. Ça l'épaule. Ça l'est pas. Ben, l'exemple du mal du gars qui est avec les enfants, la fille qui a été violée. Ah, OK, OK. Ben, la manière que tu le décris, il n'y a pas de fin à ça. Non, il n'y a pas de fin. La fin, ça va être juste l'esprit qui va. L'esprit, c'est de couper avec le mal. Il faut qu'il y en ait un qui soit assez intelligent pour arrêter de subir. Quand tu as coupé avec le colonel, tu as fait un mouvement intelligent. Puis si tu coupes avec ton perroquet, ben, tu vas à l'origine de ton propre mal. Mais comment tu coupes? Dans le sens que c'est pas parce que tu coupes dans le fond. Ce qui est intelligent, c'est ce qui se fait. Oui, qu'est-ce qui se fait? Fait que si tu arrêtes de faire quelque chose qui n'est pas intelligent, tu rends la situation intelligente. Comme elle est intransigeante, elle a un comportement intransigeant avec les gens qu'elle va dire entre guillemets qu'elle aime. OK? Fait que si elle dit à quelqu'un, ben, t'es mon ami ou si ou ça, il y a beaucoup, beaucoup d'intransigeance dans sa personne. Fait que ça apparaît dans le perroquet. Mais ça va apparaître aussi dans ses rapports humains avec les gens. Fait qu'elle, quand elle dit qu'elle aime, elle est intransigeante. Si elle arrête d'être intransigeante, puis elle laisse l'autre être, plutôt que vouloir qu'elle dicte à l'autre le comportement qu'elle doit avoir. On va donner un exemple. Elle a eu un problème avec Madeleine à propos d'une histoire de balle. Et puis, il y a encore dans son être un jugement porté là-dessus. Tu sais, c'est comme, bon, okay, Chris, reviens-en, là, on l'a réglé, cette affaire-là, c'est fini. Mais il y a encore un jugement, ça traîne. Donc, il y a de l'intransigeance. Si tu me refais ça encore, je te coupe à vie, papa. Écoute, si c'était intelligent, Chris, on te l'a rebalancé une fois, tu devrais avoir pris exemple de ça. Si tu as pris exemple de ça, ça veut dire que c'est un jeu d'enfant de rebalancer une situation qui est problématique. Mais s'il y a une intransigeance, elle va passer à côté du règlement intelligent. Elle va continuer de jouer une game down d'intransigeance. Bon, il n'y a pas eu d'événement pour que ça se produise, mais l'autre, c'est, elle est toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est parce qu'elle existe, l'épée de Damoclès. Elle est là. Ouais, c'est pas parce qu'elle est blanche comme neige. Mais il n'y a pas de règlement possible. Là. C'est dans l'air, c'est tout le temps là. Pas normal, ça. Marcher chez eux. J'ai rien compris. Je dis marcher chez eux, tu sais. C'est pas bon, ça. C'est toutes des subtilités d'effets et non pas des subtilités d'idées. Ça se traite pas au niveau de l'idée. Ça se traite au niveau de la vibration. Puis quand tu commences à lire dans les vibrations, tu peux dire des choses pour voir ce que ça fait comme effet, pour pouvoir sentir vibrer l'autre. Puis quand je donne la merde à Madeleine, je la sens vibrer. Puis je sens encore ça, cette intransigeance-là. Mais c'est pas Céline avec Madeleine, c'est Céline avec Céline. Vers n'importe qui. Mais tu sais, n'importe qui, là, ça devient tout le temps un jugement inquisiteur sur les gens. Tout le temps. J'aime ou j'aime pas, j'aime ou j'aime pas. Après ça, elle va dire, j'ai peur du rejet. Je comprends que tu as peur du rejet. Tu es toujours dans l'inquisition, tout le temps, tout le temps. Tu veux pas vivre ce que tu fais vivre. Ne serait-ce que vibratoirement. Fait que son intelligence est paralysée par cette inquisition-là. Fait que l'âme ou l'astral ou les entités ont beau jeu. C'est eux autres qui mènent le show. Là. Puis c'est tout seul avec elle-même. Il n'y a pas personne pour lui mettre sur le nez telle affaire, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de saisir les comportements au niveau de la vibration. Ça veut se cacher, l'astral. Faut pas t'oublier ça. Jamais, jamais, une entité veut se dévoiler. Jamais, jamais. Donc, c'est comment tu vis par rapport à n'importe quel événement dans ta vie qui te permet de te voir réellement, ouais. De faire valoir, de voir où tu en es rendu dans ton développement. Mmh. Tu ne peux pas faire ça tout seul chez toi, c'est impossible. Tu peux faire des grands bouts tout seul, mais... tu vas avoir un miroir, ça c'est garanti. La vie va te présenter un miroir, ça c'est garanti. Puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans le groupe, là. Les miroirs, ça peut être des événements, ça peut être un groupe d'événements, ça peut être un paquet d'éléments. Mais, si t'as un miroir qui se présente, ça veut pas dire que tu vas le lire non plus, hein? Ben, un miroir, absolument, c'est pour te voir dedans, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, d'après toi, là, quand quelqu'un rencontre, tu fais subir des affaires, puis à un moment donné, t'as un miroir. Y a-tu assez d'intelligence dans la plupart des individus pour le voir, ça? Fais l'autopsie de ta dynamique avec ta femme Hélène. Fais l'autopsie de ta dynamique avec ton frère Bernard. Puis t'as deux calices de bons miroirs dans le tas, là. Ben, ça ne veut pas dire que je le vois, là. Ça ne veut pas dire que tu l'acceptes. Mais tu vas le voir, ça, c'est sûr. Non, pas nécessairement. L'accepter, oui. Ça, mais pour ramener ça dans ce que tu vis, toi, c'est pas évident. Toi, tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à la précision de ta parole. Et tu as une parole précise aujourd'hui, je te l'avoue. Tous les gens vont dire que tu as un bon jugement. Mais bien du monde vont dire que tu n'as pas d'écoute. Donc, tu ne captes pas ton environnement. Mais tu donnes des bonnes pointes, là. Mais au niveau de l'écoute, ça va être discutable. Tu peux le demander aux gens, ils vont te le dire. Fait qu'il y a des miroirs, tu sais, quand tu es dans le groupe du consultant, t'en as beaucoup. Mais effectivement, ta parole est bien plus juste qu'avant. Très exact. Très, très exact. Ça me fait penser beaucoup, beaucoup à Luc Dallaire, qui parlait super, c'était très précis. Je disais tout le temps quand tu parlais à ses consultants, je disais, ouais, c'est très correct, Luc. Puis là, il est parti à vouloir se faire un groupe. Il y a du monde dans mes groupes qui sont partis avec lui parce qu'il parlait bien. Puis il est tombé dans une arrogance spirituelle au point de commencer des chats puis s'appeler Lucifer. Puis il est mort 3 semaines après. En voulant dire les forces, tu peux pas jouer au fou avec eux autres. Est-ce que quand tu as quelqu'un, un événement où tu vis le miroir, c'est dans cet événement-là ou si tu as une lecture que tu aurais la capacité de corriger certains paramètres que tu as. Qu'est-ce que ta blonde te reproche le plus quand tu parles avec? Elle n'a pas d'écoute. Et c'est ça qu'elle te dit? Ben, tu ne plonges pas dans le monde de l'autre. C'est ça qu'elle te dit? Ouais. Elle te reproche ça? C'est ça qu'elle te reproche? Puis c'est ça que je te dis à soir? Puis c'est ça que les autres t'ont dit? OK. Que si t'attends un coup de pied en cul? T'attends ça? Dans un temps libre, tu dis en dehors. Il a peut-être vite. Lui, je sais pas. Lui, c'est parce qu'il voit clair. Moi, je vois pas clair. Je vais manquer mon coup. Il y a une paire de bottines pour ça. En d'autres termes, comment faut-il le dire? C'est un arbre, hein? Un arbre va dire t'as pas d'écoute.